me battez des mains. Poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Grand roi sur toute la terre, roi des rois. L'Éternel